t'es un jeune, je suis ton bête adversaire. Mon ami m'a dit les fumées pour toi c'est ton cadeau d'anniversaire. La vie est courte, j'aimerais être en revoir toute ma famille dans les yeux. Quand je parle millions d'euros en espèces, c'est que j'ai vu de mes yeux. Je les entends rappeler, hey, qu'est-ce qui dégoûte, on dirait qu'ils ont qu'à se rincer. T'as aucun problème et tu roules en teinté. Ton PGP ne tient qu'à te faire arrêter. Tu crois que s'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils ont tout raté. Tu regardes nos clips, tu nous observes. Quand tu sers à boire, t'écoutes tout ce qu'on dit. Sale petit bâtard, t'es un putain d'acteur. T'arrives même à en produire le sourire du bandit. On a mangé le sonic et qui était mère à l'excès. Même en maison d'arrêt, on a le respect des chefs. Quand j'étais mineur, je sortais. Aujourd'hui j'ai de la fou et de la cible pas chère. Ouais ouais enculé.